le binôme, le binôme, le parier, le parier, yeah, yeah. Résine. Les frères à votre santé, saveur hollandaise, je lève le majeur en l'air, sans commentaire, je crache le feu de l'enfer, loin des petits commérages, c'est 29-200, bref, avec le binôme, je débarque. Idiot dégage, garde tes sales rengaines. Moi j'ai le crâne en miettes, j'crois que c'est inopérable. J'ai plus le cœur en fait, fuck l'antenne. J'rappe pas pour plaire aux putes, c'est pour ça que peu de gens m'aiment. Relent aigre, j'dégueule sur autotune. Les cœurs m'enguettent, j'invoque les forces occultes. V'là un morceau de plus pour les jeunes sans repère. C'est S-I-R-E-N que mes prières t'aident. J'ai aiguisé le texte, MC est fier de l'être. Si je puis me permettre, qu'ils aillent se faire mettre. Chacun cherche leur maître. Semaine après semaine, le système reste. Tu veux que je te dise ce que je pense du rap? Fils de gueule, banque de wack, j'nique ce gueule. Change de face, s'il te plaît, range le mic et tu ris. Tu veux que je te dise ce que je pense du rap? Fils de gueule, banque de wack, j'nique ce gueule. Change de face, s'il te plaît, range le mic et tu ris. J'écoute pas vos pâles copies, elles font du plage à qui chiale. Moi j'suis le parade. Pas que la mafia ritale. Quand dans mon dos ça ricane, je me sers un coup calibré. Dans leurs clips ils ont des armes, ils font les fous calibrés. Je vais pas leur laisser le temps de se dire que ça fait 10 000 piges qu'on chante. Mais si la parole est d'or, pourquoi les lyricistes sont pauvres? J'écris, je me tire les cheveux parce que la vie s'adéquate. Et pour trouver l'inspiration, on a les vis adéquats. Résine à la prod, j'ai vidé mes touches-cas. Nous on taffe en sous-marin comme Sirène et Pushka. J'kick des strophes, toi tu tires avec des bides airsoft. T'as pris le rap pour un game. J'mets les pendules à l'heure avant que les bousons jactent. De Liège à Brest, on a brouillé Google Maps. On m'a dit, wesh, faut pas gâcher tes talents. Toi t'étais bon, ouais, mais ça c'était avant. Tu veux que j'te dise ce que j'pense du rap? Fils de gueule, banque de wack, j'nique ce gueule. Je vais pas remettre la faute aux autres vu qu'on est maître de ses choix. Suffit d'un regard pour finir mort à quelques mètres de chez soi. Je me renferme sur moi, je deviens associable. Comment tu veux que je mène une vie de rêve si je suis insomniaque? Coupe ta 16 avec du lait en poudre. Petit con, tu rappes le avec mon skeg en bouche. Et la vie de ma mère, hein. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour sauver ce type. Pour oublier, je verse des larmes de passé soviétique. C'est l'heure de vous coucher, les enfants. Le binôme, on s'exporte, on bouge de Liège en France. Je m'en fous de la vôtre, l'homme averti en vôtre. La route est longue, faut pas que je me vautre. Les yeux bridés, ouais, je fume trop de gros.